rap jusqu'au cerf, comme habitant d'étage. Certains veulent rayer mon blase. Pour les gens penser que la paix vous garde, les délaissés de près nous tardent. Où l'on pleure financier à survie à barbe, licencié aux manifs bâtardes. Les pays concernés se bombardent, scellés comme cette bombe de Bagdad. Dis-toi que la vie, elle est bazar. C'est quoi ces faux gangsters en Cherokee? Ça m'a tu bazar, de l'enfer, paradis, trop garde. A chaque bon mauvais dit, on met les sauvegardes. Ma famille, mon cœur se promène, se partage. En sachant que la vie, la mort, c'est pas moi qui choise. Et quand je sais pas, je l'écrase. Alors frère, faut qu'on cesse de faire viage. Ce monde est faux comme une femme sous son maquillage, ou un homme sous son habillage, hein. Alors frère, faut pas se mentir. Faut pas se mentir au sujet de la mort. Faut bâtir pour après la mort. C'est pour mes frères et sœurs qui maintiennent la foi dans le royaume du maître qui se trouve seul en soi. Que cela veut dire vivre qu'une fois, qu'on a oublié qu'on ne meurt qu'une fois. Faut pas se mentir au sujet de la mort. Faut bâtir pour après la mort. C'est pour mes frères et sœurs qui maintiennent la foi dans le royaume du maître qui se trouve seul en soi. Que cela veut dire vivre qu'une fois, qu'on a oublié qu'on ne meurt qu'une fois. Ouais. Laisse-les qui rebutent ce que je dis, ce que je fais. Ils tapent le cruste quand le mal est fait. Je porte pas la répute d'un corps balafré. Je dis pas d'insultes, je suis pas là pour modifier. Face à l'homme, j'ai du mal à me confier. Jésus, mon maître, a glorifié. Ils ont pas le pouvoir de venir vérifier. C'est la totalité, mondanité. Qu'est-ce que tu parles de longévité? Face à la mortalité, mon maître, ton seul qu'on doit glorifier. Vu que d'ici bas la mort est la fin du forfait, un départ pour l'éternité. C'est sur mon corps dans le feu, l'enfer surchauffé. Ou soit le paradis au décor, aux critères parfaits. Malgré le tort qu'on a fait, que l'éternel nous pardonne, refrain. Faut pas se mentir au sujet de la mort. Faut bâtir pour après la mort. C'est pour mes frères et sœurs qui maintiennent la foi dans le royaume du maître qui se trouve seul en soi. Que cela veut dire vivre qu'une fois, qu'on a oublié qu'on ne meurt qu'une fois. Faut pas se mentir au sujet de la mort. Faut bâtir pour après la mort. C'est pour mes frères et sœurs qui maintiennent la foi dans le royaume du maître qui se trouve seul en soi. Que cela veut dire vivre qu'une fois, qu'on a oublié qu'on ne meurt qu'une fois. Et ouais, on est déjà en 2007, hein, mettons en 2004. Et combien d'entre nous dit que c'est les meilleurs qui partent? Mais nous aussi on va partir, on va rendre compte mon pote, moi-même le premier. Alors faut qu'on bouge, chacun de nous a perdu des liens familiers. Mais faut pas désespérer mon pote, désespérer. Oh.